We'll be right back. We'll be right back. Moi je suis désolé, mais Guitar Rig c'est bien, hein. Franchement. Il est pas mal celui-là. Bon, j'ai la latence. Marshall, tout simple. Yeah. j'aime bien celui-là. Mais je préfère celui-là. C'est une journée un peu... Ça le fait pas aujourd'hui. Je vais bien me faire Michael Jackson.